perdu sous ses ailes. Ma colère vaincue ne put se disperser. Tu restes ma dévolue, tous nos éclats de voix éparpillés, je les ai balayés. Je veux te retrouver. J'ai surmonté l'écueil de l'amertume, ma colère tombée. Il faut te retrouver, ce qui semble parfois nous séparer, nous rapproche souvent. Je veux te retrouver. Faisons place à nos cœurs, par nos sentiments, tempérons nos ardeurs.